إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد avant de reprendre la série de cours des deux livres qu'on fait d'habitude qui sont le mardi soir l'explication des six fondements de Cheikh Mohamed bin Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala faite par Cheikh Obed el-Jabiri hafidahullah et le samedi qui est la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam de Cheikh l'Albani faite par explication faite par Cheikh Mohamed bin Omar Bezmoul hafidahullah. Bien, avant de reprendre ça et après avoir fini la série de cours sur les événements de Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali hafidahullah, j'ai voulu faire profiter mes frères et sœurs d'un cours en fait que j'ai préparé. En vérité, c'est une khutbah de Jumu'a que j'avais préparé il y a deux semaines dans une ville en Angleterre. On m'a demandé de faire une khutbah de Jumu'a à la Koulihal. Et cette khutbah, elle a pour titre la prison du croyant. Et c'est une khutbah à la base de Cheikh al-Dhammari du Yémen, que j'ai adapté ici évidemment pour l'Angleterre. À la Koulihal, je voulais vous la lire et vous en faire profiter. Je voulais en faire profiter donc nos frères et nos sœurs francophones. Donc le cheikh, il commence en disant, Hafidahullah Ta'ala, c'est un cheikh qui est contemporain, qui est encore vivant, qu'on appelle communément Khatib al-Yaman, hein, celui qui fait le prêcheur ou celui qui fait les prêches du Jumu'a, les sermons du vendredi, parce qu'il est très doué dans cet exercice-là. Et il dit, Hafidahullah Ta'ala, Ayyuhan Nas, A'akum Salam. الحمد لله الذي وفقنا لأداء هذه الفريضة وكثير من الناس عنها لا غافلون. Donc Cheikh commence sa khutbah en disant toutes les louanges sont reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous acquitter de cette obligation alors que beaucoup de gens sont insouciants alaykoum salam sont insouciants quant à cette obligation. Et il dit الأسواق مزدحمة بالغافلين والشوارع مزدحمة والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. Donc Cheikh حفظه الله تعالى, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les marchés sont remplis d'insouciants. Les rues sont remplies d'insouciants. Et celui à qui Allah Azza wa Jalla a facilité, a donné le tawfiq, eh bien, ou plutôt celui qui a le tawfiq, hein, que ça lui a été facilité, c'est celui à qui Allah a facilité pour lui. C'est celui à qui Allah a donné le tawfiq. Il a dit le cheikh, wal muwaffaqu man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'a fi sahih al-Imam Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Et c'est ça donc le titre du cours aujourd'hui. Il commence par un hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'Imam Muslim d'après un hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu ardah qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la dunya, ce bas monde, hein, la dunya, sijnul mu'min, est la prison du croyant. Wa jannatul kafir, est le paradis du mécréant. Had al-hadith yubayyinu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fihi halat al-mu'min fi ad-dunya. Wa yubayyinu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-farqa bayna ad-dunya wal-janna bin-nisbati lil-mu'min. Et ça, c'est quelque chose de très important. Hein, parce que des fois on vit sur cette terre et on oublie ce genre de choses-là, ces notions importantes, hein, que chaque musulman, chaque musulmane, chaque croyant doit garder, hein, devant ses yeux et qu'il ne doit pas oublier. Il dit, Cheikh Hafidahullah, il dit dans ce hadith, et c'est quoi le hadith ici? Il fait référence au hadith qui dit, dans la traduction du sens dit, eh bien que quoi? Que la dunya, ce bas monde, c'est quoi? La prison du croyant et le paradis du kafir, du mécréant. Il dit à propos de ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam, a mis en évidence dans ce hadith, a clarifié la situation du croyant dans ce bas monde. Halat al-mu'min fi dunya. Wa yubayyin al-farq bayna ad-dunya wal-jannah binisbati lil-mu'min. Et il met en évidence dans ce hadith le prophète alayhi salatu wassalam, la différence quant à au bas monde et à la, au paradis, entre le bas monde et le paradis, en ce qui concerne le croyant. D'accord? Le mu'min fi dunya masjounun sijnan hissiya wa sijnan ma'nawiya. Il dit le cheikh que le croyant est en prison dans ce bas monde. Une prison ma'nawiya et une prison hissiya, une prison matérielle et une prison immatérielle. Vous allez comprendre ce qu'il veut dire par le shir. Hafidahullah ta'ala. Il dit huwa masjunun as-sijn al-ma'nawi al-mu'minu fi ad-dunya qad sajana basarahu. Wa hada huwa ash-sharh. Qad sajana basarahu wa sajana yadayhi wa sajana udhunayhi wa sajana qadamayhi wa sajana lisanihi 'amma harrama Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit quoi le shir, cette superbe parole? Il dit Havidahullah, hein, qu'on ouvre les cœurs et que ce soit un rappel pour nous tous. Il dit que le croyant est en prison dans ce bas monde. D'une prison matérielle et une prison immatérielle. Et il explique. Il dit il est en prison, il est emprisonné, monsieur. Non. As-sijn al-ma'nawi, la prison immatérielle. Al-mu'min fi dunya qad sajana basarah. Car le croyant dans ce bas monde a mis en prison, a emprisonné son regard. Et il a emprisonné, il a mis en prison ses mains. Et il a mis en prison ses oreilles. Et il a mis en prison ses pieds. Et il a mis en prison sa langue. Alaykoum salam. Il a mis en prison ses membres du corps de quoi? Par rapport à quoi? Eh bien, il les a mis en prison afin de les protéger, ou si vous voulez, de les éloigner de ce que Allah a interdit, subhanahu wa ta'ala. فهو ممنوع ان يتناول شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. Il est donc interdit de toucher quoi que ce soit, de prendre quoi que ce soit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. ولهذا انت مطالب ان تحبس لسانك وان تسجنه الا فيما احل الله لك. Et c'est pour cette raison là qu'il te demandait, il t'est obligatoire de retenir ta langue, de l'emprisonner. Hein? Sauf dans ce quoi ou ce pourquoi Allah a autorisé. J'ai fait le sahihaini, min hadithi Abi Huraira radiallahu anhu ardah, wa min hadithi Abi Juhayba radiallahu anhu, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qala, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici, c'est que il a été rapporté dans les deux authentiques, Al-Bukhari wa Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous et à tous les imams de la Sunna, d'après un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu et de hadith d'Abu Juhayba radiallahu anhu kadhalik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise un bien ou qu'il se taise. فهذا اللسان يحتاج الى طول سجن الا من الخير فهو مسجون بسجن الله. Écoutez bien cette parole que dit le cheikh ici, il dit cette langue, hein, qui bouge beaucoup, hein, et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse subhanahu wa ta'ala qu'elle bouge dans le bien et pour le bien et uniquement pour le bien. Il dit subhanahu, il dit le cheikh Hafidahullah Ta'ala, il dit cette langue a besoin d'être emprisonnée pour une longue durée. Tol sijn. Hein? Si vous voulez, la perpétuité. Sauf, et regardez ici, ici, à l'exception faite de quoi? Du bien. Sauf dans le bien. Donc, hein? Le croyant est emprisonné dans la prison d'Allah Azza wa Jalla. سجن معنوي واختياري ومعنى اختياري أن الله عز وجل أسند بعد أن أرشدك إلى الخير وحذرك من الشر أسند سجن أعضائك وجوارحك جوارحك إليه. سجن أعضائك وجوارحك إليه. Donc qu'est-ce que nous dit le Cheikh ici? C'est une prison immatérielle, hein, et qui est liée au choix, ikhtiyari. Et le sens d'ikhtiyari, c'est qu'Allah Azza wa Jal, hein, comme dit le Cheikh, asnada ba'd an arshadak ila al-khair. Il a lié après qu'il t'ait guidé vers le bien et t'ait mis aussi en garde contre le mal. Qui? Il a lié la prison, le fait que tes membres soient emprisonnés, que les membres du corps soient emprisonnés, à lui, subhanahu wa ta'ala. Al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Ma'na hadha, an tamsika ala lisanik, illa idha tahaqqaka laka, an al-kalam alladhi satatakallamu bihi, yufiduka fi dunya, aw fi l'akhirah, fantuq bihi. أما إذا كان يضرك فلا وإذا استوى الكلام مع السكوت فالسكوت أحسن إذا كان الكلام لا فائدة فيه. Qu'est-ce que nous les chers ici nous donnent des règles par rapport à la langue et comment emprisonner notre langue sauf dans le bien. Il dit حفظه الله تعالى que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque croit en Allah au jour dernier qu'il dise un bien ou qu'il se taise. Et le sens de cela, c'est que tu tiennes ta langue à Khifillah, que tu tiennes ta langue à Ukhtifillah. Sauf si tu es sûr, illa idha tahaqqaqa laka, tu es sûr, hein, certain, que ce que tu vas dire, al-kalam alladhi satatakallamu bihi, yufiduka fi dunya, que la parole que tu vas dire, que ce que tu vas dire, eh bien, te bénéficie, t'apporte un bénéfice dans ce bas monde, dans cette dunya, ou dans l'au-delà. Alors à ce moment-là, fantoqbihi, dis-la. Amma idha kana yadruka fala. Tandis que ça te cause un mal, eh bien non. Garde ta parole pour toi, tais-toi. Wa idha stawa. Regardez les règles qu'il nous donne le Cheikh ici. Et on va les résumer après, inshallah. Il dit le Cheikh, wa idha stawa al-kalam wa al-sukut. Qu'est-ce qu'il a dit le Cheikh en arabe? Fas-sukutu ahsan. Il a dit maintenant, si les deux sont équivalents, le fait de parler, le fait de se taire, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, c'est mieux de se taire. Il a dit c'est mieux de se taire. Fas-sukut ahsan. Idha kana al-kalam la fa'idata fih. Si dans ce que tu vas dire il n'y a aucun bien, alors tais-toi. C'est mieux. Et c'est nasiha pour nous tous, ya ikhwa. Wa li hadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul li Mu'ad ibn Jabal, ala adulluka ala milak dhalika kullih, ba'd an bayyana lahu أركان الإسلام وأخبره بطرق الخير وأخبره برأس الإسلام وعموده وذروة سنامه بعد ذلك قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au noble compagnon Mu'ad ibn Jabal, on a déjà parlé un petit peu en résumé de sa biographie radiallahu anhu arda, cette magnifique biographie de ce noble compagnon radiallahu anhu arda. Il a dit, ne t'orienterai-je pas, ne te montrerai-je pas, hein, qui est-ce qui va t'amener, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen dans Sharh Al-Arba'in Nawawiyya, parce que ça c'est un hadith qui est tiré d'une partie d'un hadith, et que ce hadith se retrouve dans le hadith, dans les hadiths de l'imam Nawawi Rahimahullah, si je ne me trompe pas, c'est le hadith numéro 29. Il a dit, Ala adulluka ala milaki dhalika kulli. Cheikh Al-Uthaymeen l'a dit dans l'explication de l'Arba'in Nawawiyya, ne vais-je pas te montrer ce qui va t'amener à hatta tamlika dhalika kulla, quelque chose qui va t'aider à posséder tout cela. Quand il a dit ça, le prophète, après qu'il lui ait montré les piliers de l'islam et qu'il lui ait informé des voies du bien et qu'il lui ait importé à informer Bira'as l'islam. Comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen dans Sharh Arba'in Nawawiyya, c'est quoi Ra'as l'islam? C'est la raison, la tête, si vous voulez littéralement, la chose la plus importante de l'islam, la base, la tête, eh bien c'est quoi? Il a dit Cheikh Al-Uthaymeen, c'est ce pourquoi tu as été créé, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal et de ne rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Wa amudu, et son pilier. Wa darwatu sanami, et le sommet, si vous voulez. Hein? Et dans le hadith, pour les frères qui mourent, c'est quoi darwatu sanami? Al-jihad, sabilillah, zakallahu khairan, ahsant. Ala adullu, ba'da dalika qal, ala adulluka ala milaki dhalika kulli, ne t'indigrège pas quelque chose qui va te faire posséder tout cela, qui va t'amener à posséder tout cela, à entrer en possession de tout cela. Il dit, alayhi salatu salam, ou plutôt le sahabi, al-Jalil, Mu'ad ibn Jabal, il dit, radiallahu anhu, arda, qala qultu, bala ya Rasulallah, certes, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est-à-dire que les compagnons sont hein, toujours là pour le khair, pour apprendre le khair. Qala fa akhadha bi lisani nafsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu sa propre langue. Alayhi salatu salam. Wa qala kuffa anka hadha. Hein? Retiens ça. Retiens cette langue. Fa qala Mu'ad radiyallahu anhu awa inna la mu'akhaduna ya Rasulallah. Bima nataqat bihi al-sinatuna. Qala, une parole forte chez les Arabes. Fakilatka ummuk. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, inshallah. Littéralement, que ta mère te perde. Et on va voir que c'est pas le sens d'ahir qui est voulu ici. Comme les Shri'a Taymin, rahimahullah. Wa hal yakubbu nasa ala wujuhihim. Ou ala manakhirihim. Fin nari yawm al-qiyama. Illa hasaidu al-sinatihim. Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Il a dit, kuffa anka hada, tiens cela, cette langue. Mu'ad radiallahu anhu, il a dit, serons-nous, ô messager d'Allah, hein, tenu, hein, il sera tenu pour compte ce que dit notre langue, hein, ma nataqat bi al-sintina, ce que nos langues prononcent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole forte chez les Arabes. Il a dit Thakilatka ummuk. Que littéralement, il y a fuqdan. Hein, le fuqdan, c'est-à-dire que la perte, que ta mère te perde. Sur le thème, il dit c'est pas le sens voulu, c'est pas le sens zahir. C'est pas le sens apparent. Ça veut pas dire littéralement que ta mère te perde. Les Arabes, ils disent ça, min bab al-ighra wal-hath. C'est quoi? C'est une incitation. C'est important ce qui se dit ici. C'est pas littéralement que ta mère te perde. ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم ne va jeter hein, les gens sur leur ventre ou sur leur nez comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم en enfer le jour du jugement dernier qu'est-ce que leur langue a récolté. إذن أنت أخ الإيمان. Oh toi frère dans la foi. Oh toi frère croyant. مطالب أن تجون لسانك إلا بالخير. Ce qui t'est voulu de toi, ce qu'il te convient de faire, ce qu'il t'est obligatoire de faire, hein? Eh bien, ce que tu emprisonnes ta langue, sauf pour le bien, hein? Mais subhanallah, combien de fois nous-mêmes, combien de fois on dit des choses, subhanallah l'adim, hein? Ça, c'est une nasiha. C'est pour ça que j'ai voulu me faire profiter moi en premier, parce que j'en ai besoin, et faire profiter mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Man samata naja. Mémorisez ce hadith. Quelques mots. Man samata naja. Trois mots. Man samata naja. Hein? As-samt. Vous connaissez le samt en arabe? Le fait de se taire. Samata. Hein? Yasmutu samtan, le fait de se taire. Man samata, c'est quoi la réponse? Naja, celui qui se tait sera sauvé. Man samata naja mimma yadurruhu bisababi kalamihi wa bisababi lisanihi, comme dit le shir. Hafidhahullahu ta'ala. Il dit celui qui se tait sera sain et sauf, sera sauf de ce que. Ce qui peut lui faire du mal en raison de sa parole et en raison de sa langue. كذلك أمرت أن تحبس بصرك إلا في ما شرع الله أو أحل الله لك. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. شيخ دي et ainsi et également et de même ce qu'il est voulu de toi. Ce qui est demandé de toi, c'est que tu emprisonnes ton regard. De quoi? Que tu emprisonnes ton regard. Regardez, écoutez en arabe, pour les frères qui font l'arabe, ils comprennent mieux ça. Hein? An tahbisa basaraka illa Fima shara Allah. Oh, ahal Allah lak. Regardez la précision du cheikh ici. Cheikh, il dit, hafidahullah, ce qu'il voulait de toi, c'est que tu emprisonnes ton regard. Sauf. Comprenez ça? Emprisonne ton regard. Sauf, exception. Hein? Sauf. Uniquement pour ça. Istisna en arabe. À l'exception faite de quoi? De ce que Allah a légiféré ou ce que Allah a rendu licite. Ah, comme cela. Ou ce que Allah a rendu licite. Donc ce que Allah a légiféré, tu regardes. Ce que Allah t'a rendu licite pour toi de regarder, tu le regardes. Sinon, tu t'abstiens de regarder. Tu l'emprisonnes ton regard. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, le Coran, et dit aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur sexe, cela est certes plus pur pour eux. فأنت مطالب أن تحبس بصرك عن الحرام وأن تجن بصرك عن الحرام أنت مأمور بهذا ولو أرسلت بصرك إلى الحرام كنت مؤاخذا بذلك. Ce qui est donc voulu de toi, ce qu'il t'est demandé, c'est que tu tiennes, تحبس, le habs, le sigle, quand tu es en prison, tu tiennes ton regard de ce qui est interdit. Que tu tiennes, tu emprisonnes ton regard de ce qui est illicite. Ceci est obligatoire, ceci t'a été ordonné. Et si tu laisses ton regard, si tu laisses littéralement, si tu envoies ton regard vers ce qui est haram, vers ce qui est illicite, tu seras, quoi? Mu'akhadhan bidalik, tu devras rendre des comptes. Le cheikh donne dalil, Ahl-Sunnah parle avec dalil. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما الخطأ والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا حديث كلير. Il était rapporté dans les deux authentiques, le Bukhari ou le Muslim. D'après Abu Huraira radiallahu anhu arda, qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a été prescrit à chaque fils d'Adam sa portion de zina, de fornication. Tu peux pas y échapper, la mahala. Al-aynan, traduction littérale du sens. Al-aynan, zinahum al-nadar. C'est quoi la zina des deux yeux, c'est quoi? Le regard. La fornication des yeux, c'est le regard. La fornication des oreilles, c'est d'écouter. La fornication des mains, c'est de toucher. La fornication des pieds, c'est de marcher. Là est le cœur, espère, désire, mais rend cela véridique ou mensonger, le sexe. فانظر أنت محاسب بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النظر نوعا من الزنا فالنظر زنا العينين ولذلك إذا أطلقت لبصرك العنان ولم تبال أن تنظر إلى النساء الأجنبيات عرضت نفسك لعقوبة رب العالمين ففهمت من هذا أنك مسجون سجنا حسيا ومعنويا. Qu'est-ce que le shir dit? Il dit que regarde mon frère en Allah Azzawajal, regarde ma soeur en Allah Azzawajal. Tu es tenu pour compte, tu devras rendre des comptes. Anta muhasabun. Mais de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu le regard parmi les types de fornication. Car le regard est la fornication des yeux. Et c'est pour ça que si tu... il a utilisé une belle expression en arabe qui dit « Walidalika ida atlaq taliba sirika l'inan ». L'inan, c'est la bride. Comme tu lâches... tu tiens un cheval en bride, par la bride, et tu lâches la bride, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ça qu'il dit le chéri. Si tu lâches la bride à ton regard et tu le laisses aller où il veut, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit le chéri. Et que tu ne fais pas attention. Walam tubal. Regardez qu'est-ce qu'il dit le chéri ici. Et tu ne fais pas attention. Tu regardes n'importe quoi. Tu regardes ce qui est haram. Eh bien, il dit... Eh bien, tu auras certes exposé, tu te seras exposé toi-même à la punition du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Fafahimta min hada, tu auras compris de cela donc, cher frère en Allah Azza wa Jal, cher sœur en Allah Azza wa Jal, que tu es emprisonné d'une prison matérielle et une prison immatérielle. فأنت مسجون معنويا فعليك أن تسجن جوارحك عن الحرام. Tu es donc emprisonné d'une prison immatérielle. Tu te dois donc d'emprisonner tes membres de tout ce qui est interdit, de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله عن نظر الفجأة. Parce que peut-être un frère qui va dire ou une soeur qui va dire, oui, mais si j'ai vu quelque chose, mais j'avais pas l'intention, j'ai vu, j'ai pas regardé, j'ai juste vu. Mais la réponse est dans le hadith. Hein? قال له إنما لك الأولى وليست لك الأخرى أو الآخر كما قال الشيخ. أي معنى النظر المفاجئ الذي لم تتعمد فعله هذا يعفى عنك. Qu'est-ce que dit le cheikh ici? Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, lorsque Ali ibn Abi Talib lui a demandé sur Nadar al-Faj'a. Al-Faj'a, c'est quoi? Comment on dit en un? Surprise, coïncidence. Al-Faj'a, t'as pas voulu. D'accord? Il dit, Al-Nadar al-Mufaji' alladhi lam tata'ammad fi'lahu. C'est-à-dire que ce qui t'a pris par surprise, tu as vu quelque chose, mais tu n'en as pas eu l'intention. T'as pas eu l'intention de regarder ça, mais tu l'as vu. Qu'est-ce qu'il en est? Il y a un hukm shar'i de ça. C'est quoi le hukm shar'i? La réponse est dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Yu'fa anka. Tu es excusé de ça. Regardez la, hein, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Mais regardez la suite. Lakin idha abqayta al-basara mutawasilan, le cheikh dit, an-nadar kana dhalika ala hisabika. Ala hisabi hasanatika wa ala hisabi dinika, fakun ala hadarin min dhalika. Cheikh dit, mais si tu laisses ton regard et tu continues, mutawasil, vous connaissez tawasil en arabe, continuer, hein, garder le contact. Tu gardes, tu restes regardé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hein? Eh bien, c'est sur ton compte. Tu seras tenu pour compte de cela. Et c'est sur le compte de tes bonnes actions, sera sur le compte de tes hasanat, et sur le compte de ta religion. Sois donc, hein, sur tes gardes par rapport à cela. Et ça, c'est pour les hommes et les femmes. قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. Et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard et préservent leur sexe. ولهذا احبس بصرك وجن بصرك من أجل أن تسلم خطرا وضررا. Le cheikh, il dit, Hafidahullah, c'est pour cela que tu te dois d'emprisonner ton regard. Et d'emprisonner ton regard pour que tu sois sauf, sain et sauf. Que tu ne tombes pas dans un danger. Tu sois sauf de ce danger et de ce mal. Et regardez, le cheikh, il va apporter une histoire que Bilqayyim, rahimahullah, a rapportée. Il dit, vous allez voir qu'est-ce qu'un regard il peut faire à quelqu'un. Wal'adu billah. Wa nadratu ahyanan tu'athiru fil qalbi atharan baligha. Farubbama أودت بصاحبها إلى الهلاك ذكر ابن القيم رحمه الله. Il dit, le regard, des fois, peut toucher le cœur, atharan baligha, hein, d'une manière extrême, et qui peut des fois amener celui qui a eu ce regard à la perdition, à la perte. Il dit, ابن القيم رحمه الله a dit, il a rapporté, أن رجلا كان بيته يشبه حمام من جابي باب بيته فجاءت امرأة يوما تسأل عن حمام من جابي فأمعن النظر فيها ففتن بها فقال هذا حمام من جابي فأدخلها إلى البيت فلما شعرت أنها أصبحت فريسة للرجل قالت يحسن بنا أن يكون عندنا شيء تطيب به أنفسنا. أي شيء من الفواكه ومن الحلوى. فقال نعم الآن. فذهب ليأتي لها بذلك وترك الباب مفتوحا. فهي عندما خرج فرت بنفسها ونجت بنفسها. فرجع الرجل فبحث عنها في البيت فلم يجدها وقد تعلق قلبه بها. L'histoire n'est pas finie. Hein? On va laisser un peu de suspense pour les arabophones aussi, Inch'Allah. D'accord? Qu'est-ce que dit Ibn Qayyim rahimahullah? Il dit qu'il a, il a rapporté qu'un homme, sa maison, la porte de sa maison ressemblait, vous savez ce qu'est un hammam? Un hammam, hein? Un hammam minjabi. Une femme, un jour, elle est venue, hein, chez lui, il était à la porte, elle lui a dit, où est hammam minjabi? Et il l'a regardé, et il l'a vu, et il a été troublé par cette femme. Il a bien regardé la femme. Il a regardé de manière profonde. Hein? Et il a été troublé par cette femme. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, c'est ici, Hammam Minjabi, c'est chez moi. Hein? Et il l'a fait rentrer chez lui. Et lorsqu'elle a compris, elle a senti qu'elle est devenue une proie, une victime de cet homme-là, hein? C'est une femme intelligente, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, eh bien, il convient que dans ce moment-là, dans ce moment ici, maintenant, eh bien, tu amènes quelque chose qui, hein, qui va nous rendre la chose agréable. C'est-à-dire quoi? Que tu amènes des fruits, des pâtisseries, etc. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'an, maintenant, je vais chercher ça, maintenant. Et il est parti, il a laissé la porte ouverte, et elle s'est enfuie. Comme il dit Shir, elle s'est sauvée, elle a sauvé sa religion, elle s'est sauvée, et elle a sauvé sa personne. Lorsqu'il est revenu, il a cherché à l'intérieur de la maison, il ne l'a pas trouvé. Alors que son cœur était attaché à cette femme. Il regardait, est-ce que ça va l'amener à cet homme-là, cette chose-là? فَكَانَ دَائِمًا يُرَدِّدُ وَرُبَّ قَائِلَةٍ يَوْمَ تَقُولُ أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَى حَمَّامٍ مِنْ جَابِي كَانَ دَائِمًا يُرَدِّدُ هَذَا حَتَّى عِنْدَ الْمَوْتِ يُقَالُ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ وَرُبَّ قَائِلَةٍ يَوْمًا تَقُولُ أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَى حَمَّامٍ مِنْ جَابِي عيادا بالله من ذلك. مات مفتونا. Cheikh, il dit, il continue l'histoire, il dit, il est rentré à la maison et il a vu, comme on a dit, que quoi, que cette femme était partie. Hein, il a commencé à chercher alors que son cœur s'était attaché à cette femme. Et il répétait cette phrase en arabe. وَرُبَّ قَائِلَةٍ يَوْمًا تَقُولُ أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَى حَمَّامٍ مِنْ جَابِي. Et un jour, lorsque cette femme demanda quel est le chemin vers le Hammam Minjabi, vers le Hammam Minjabi, elle répétait cela tout le temps, jusqu'à sa mort. Et les gens lui disaient, dis la ilaha illallah. Et il disait, wa rubba qa'ilatin yawman taqulu ayna al-hammam tariqu ila hammam minjabi. Regardez le fitna. Tellement qu'en un regard, il est tombé, hein, comme on dit, follement amoureux de cette femme. Son cœur s'est attaché à cette femme-là. Foutina biha. Un regard, ikhwan. Vous avez compris maintenant pourquoi le cheikh dit qu'on doit emprisonner notre regard? Hein? Et par expérience, hein, j'ai vu des cas. J'ai vu des cas, ya ikhwa. À quoi ça peut amener? Et à quoi une femme peut amener un frère qui pratique la sunna? Wal'adou billah min dalik. وذكر ابن القيم رحمه الله ايضا ان مؤذنا كان يؤذن في مناره مرتفعه وكان بجانب المسجد بيت رجل نصراني. Une autre histoire. Ibn Qayyim raconte aussi une autre histoire. Qu'un mu'adhdhin, quelqu'un qui fait l'adhan. Le mu'adhdhin, c'est pas parmi les gens de, hein, du bien. Un mu'adhdhin, il faisait l'adhan dans une mosquée ou plutôt dans un minaret élevé. Et à côté de la mosquée, qu'est-ce qu'il y avait? La maison d'un homme chrétien. وَكَانَ لِهَذَا الرَّجُلْ نَصْرَانِي بِنْتٌ شَابَّةٌ جَمِيلَةٌ حَسْنَ فَصَعَدَ الْمُؤَدِّنُ لِيُعَذِّنَ وَكَانَ يُطْلِقُ لِبَصَرِهِ الْعِنَانِ فَنَظَرَ إِلَى تِلْكَ الْبِنْتَ النَّصْرَانِيَةِ فَفُوتِنَ بِهَا. Et ce mu'addin, lorsqu'il montait dans ce haut minaret, dans ce minaret élevé, hein, et que cet homme chrétien qui avait la maison juste à côté de la mosquée, il avait une fille jeune, chabba, jamila, belle, hasna. Belle. Hein, d'une beauté. Et lorsque le mu'adhdhin montait, il lâchait la bride à son regard, il laissait son regard aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a vu, il a été troublé par cette femme. Foutine biha. Hein? فذهب الى بيتها. Il s'est rendu à sa demeure à cette femme. وتكلم معها et il lui a parlé à cette femme. وأخبرها أنه يحبها et il est informé de ce qu'il, de, qu'il aimait, qu'il est tombé amoureux d'elle. Hmm? فقالت, regardez hein, qu'est-ce qu'elle lui a dit. لا أقبل لا أرضى بهذا. J'accepte pas cela, je suis, je peux pas accepter cela, je peux pas agréer cela. Hein? فقال أتزوجك. Il dit alors, eh bien je te marie alors. Hein, je me marie avec toi. فقالت انظر ابي. Va voir mon père. Elle lui a dit alors va voir mon père, tu veux te marier avec moi. Son père c'est quoi? Un musulman, c'est un chrétien. فذهب الى ابي ابيها ليخطبها منه. Il est parti chez son père pour demander sa main. قال انت مسلم. Hein, regardez. Tu es un musulman toi. Tu viens demander ma fille, tu es un musulman. Hein? Hein, lui c'est pas un musulman, c'est un chrétien. فقال اذا اتنصر. Donc je deviens chrétien. Wal'iyadu billah. Ridda ya ikhwa, apostasie. Laisse la religion pour une femme. Fatanassara ar-rajul, il est devenu chrétien. Wartadda 'an dinillah, il a laissé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم صعد يوما من الايام الى الى سطح ذلك الرجل النصراني. Et un jour il est monté sur le toit de cet homme chrétien. قبل أن يتزوج, avant qu'il se marie avec elle. Il a déjà retard, il est déjà apostasie, il est sorti de l'islam. فسقط من أعلى البيت فمات. Il est tombé du toit, du haut du toit, et il est mort. Il est mort comment? Apostat, chrétien. فما أبقى لنفسه المرأة وما أبقى لنفسه الدين. Il n'a rien eu pour lui, il n'a rien laissé pour lui, ni la femme, ni la religion. فانظر النظر كيف تفعل النظرة كيف تفعل بصاحبها عيادا بالله. Regarde comment un regard, qu'est-ce qui peut amener, hein, à quoi ça peut amener celui qui laisse le regard aller vers ce qui est haram. عيادا بالله. Et on cherche refuge auprès d'Allah Azzurjal contre cela. Il faut rechercher refuge auprès d'Allah. Yani, sinon, nous on est faibles. Il faut demander à Allah Azzurjal que nous protège de cela et que nous préserve de cela subhanahu wa ta'ala. يرتد من أجل امرأة. Il apostasie, il laisse la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une femme. وَالنِّسَاء الْمُؤْمِنَاتِ كَثِيرَاتِ. Alors que les croyantes, les femmes croyantes, elles sont nombreuses. فَانْدُرْ فَالنَّظَرُ مُحْتَاجٌ إِلَى سِجْنٍ. Donc, le regard se doit d'être emprisonné. مِنْ هُنَا نَقُولْ. Cheikh il dit, et se basant là-dessus, on dit لَا يَجُزُ الْإِخْتِلَاتُ لَا فِي الْمَدَارِسِ وَلَا الْجَامِعَاتِ وَلَا الْإِدَارَاتِ وَلَا الْمُؤَسَّسَاتِ ولا البيوت لأن النظرة تسبب مهلكة فكم من شخص كان مختلطا بزوجة أخيه فأوقعه الشيطان مع زوجة أخيه. Hein? Cheikh il dit, et nous basons là-dessus, nous disons qu'il est interdit. Et quoi que disent, hein, رغم أن في الإخوان مفلسين. Hein? Et quoi que disent les إخوان مفلسين. Le frère il est là avec sa femme. Il a invité chez un autre frère avec sa femme, ils sont autour de la table, il y en a une fait au pied, hein, des histoires vraies, quoi, hein, elle fait du pied à l'autre. Hein? Il dit, ah, dis pas de problème, et Tariq Ramadi dit, non, tu regardes pas, etc. Et tu vois sans regarder, il commence à philosopher, etc. Hein? Cheikh Mokbel, il dit, celui qui croit qu'il pense à qu'une femme, ça te met foutre, fahoum ejnoun. Il est fou, il est pas normal. Hein? Faut avoir de la jalousie, faut pas être un dayouth. Cheikh il dit, nous basons là-dessus que il est interdit de quoi? De l'ikhtilat, d'être mélangé entre hommes et femmes, la mixité entre hommes et femmes. Que ce soit dans les écoles, ou dans les universités, ou les administrations, les institutions, hein, ou les associations, ou les maisons. Car un regard peut amener à la perdition. Il a dit combien de gens qui... Hein, était mixé, se fréquentait ou mixé, yani, qui était en présence de la femme de son frère. Et Shaitan l'a fait tomber dans le fait de faire le haram avec la femme de son frère. فالجوارح في حاجة إلى سجن إذا أراد الإنسان أن يتمتع في الجنة. Regardez maintenant, ثمرت الإيمان بالجنة. C'est ça, hein? Tout lié à l'Iman. Il a dit, regardez ce qu'il dit le Cheikh ici. Les membres du corps sont en besoin d'être emprisonnés. Si l'individu veut goûter les délices de l'Jannah, du paradis. وكذلك اليد محتاج الى سجن من الحرام ainsi que la main elle se doit d'être emprisonnée de ce qui est illicite, de ce qui est interdit. ملامسة المرأة الأجنبية من المحرمات, le fait de toucher une femme étrangère, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ta mahrim, hein, pas ta mère, pas ta sœur, pas ta femme, pas ta tante, pas ta grand-mère, etc., hein, d'accord, eh bien il t'est interdit de toucher cette femme. Hein? Croix le musulman, allez, je te serre la main, on n'est pas grave, on fait pas la bise, on serre juste la main, etc. On va voir qu'est-ce que le prophète sallam dit. Et on va voir c'est qui suit la sunna. Il dit, cher, que ça fait partie des choses interdites, muharramat. Akhraj l'imam al-tabarani, afwan, min hadith Salman radiallahu anhu, ou min hadith Ma'aql ibn Yasar, anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam a qal, لأن يطعن بمخيط من حديد في رأس أحدكم خير له من أن يمس امرأة أجنبية. Prophète صلى الله عليه وسلم, comme il a été rapporté par l'imam Tabarani d'un hadith de Salman, ou d'un hadith de Ma'aql ibn Yasar, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que l'un d'entre vous soit percé, hein, d'une aiguille de fer dans sa tête, est meilleur pour lui qu'il touche une femme étrangère. C'est pas un dalil qat'i, ça, c'est pas un dalil, ça y est, frère. Hein? Mais on peut toucher la femme. Hein? Non? Le hadith, il n'est pas clair. Regardez ce qu'il va dire, le cheikh va expliquer ce hadith, il dit. بمعنى أن الإثم المترتب على ملامسة المرأة الأجنبية والعقوبة المترتبة على ذلك أشد من أن يطعن إنسان بمخيط من حديد. C'est-à-dire que le péché qui découle de toucher une femme étrangère et la punition qui découle de cela est pire que d'être percé dans sa tête, qu'un individu soit percé dans sa tête par une aiguille de fer. C'est-à-dire, hey, ana adhab Allah ashad min hada, que la punition d'Allah, hein, est plus grave que cela. Wa yahbisu yadayhi min an ya'khud amwal an-nas bil batil. Ou an yanala shay'an min duni min dam al muslimin. Regardez la fitna, etc. On parle de ça, tout ça c'est lié, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il tienne ses mains, qu'il retienne ses mains de prendre l'argent des gens de manière fausse et qu'il touche quelque chose parmi le sang des muslimines, c'est-à-dire qu'il fasse couler le sang des muslimines. ويقول الله في كتابه الكريم ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, la traduction du sens de la parole d'Allah azza wa jal, le jour où l'individu, l'individu, hein, verra ce qu'a préparé ses mains et dira l'infidèle, le mécréant, si seulement je pouvais devenir poussière. كذلك أنت مطالب أن تحبس أذنيك من الحرام. Il est aussi voulu de toi, il t'a aussi commandé que tu emprisonnes tes oreilles de ce qui est haram. Min an tastami'a ila al-aghani wal-ghiba wan-namima wa idha sakkata 'anha fa anta sharikuhu fi al-ithm. Que tu empêches, tu emprisonnes tes oreilles d'écouter ce qui est haram parmi les chansons, la médisance, le fait de rapporter la médisance à quelqu'un, hein, ce qu'on appelle namima. Et si tu te tais, hein, quand c'est fait et que tu te tais, eh bien tu t'associes avec lui dans son péché. Rien que par le fait de se taire. Combien d'entre nous, quand un frère fait riba sur un autre, il lui dit taqillah. Combien d'entre nous? ولأجل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عامل بالمعصية فكان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها. هذا الحديث لي واضح. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est en présence d'un péché qui est commis, hein, eh bien, celui qui est en présence de cela mais qui le déteste, est comme celui qui était distant de ce péché. Et celui qui est distant de ce péché mais qui l'agrée ce péché, eh bien, c'est comme s'il était présent. فما بالك اذا كنت شاهدا رضيا. Et qu'en est-il alors si tu es présent et que tu, en plus tu agrées cela et que tu acceptes cela? يكون الإثم أشد وأعظم. Le péché sera alors plus grand. Et ici, c'est la fin de la première khutba. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. On fait une introduction, on ne va pas la faire ici parce que ce n'est pas une khutba. فَنَحْنُ مَأْمُرُونَ أَنْ نَحْبِسَ جَوَارِحَنَا عَمَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ. Donc ce qui est voulu de nous, ce qui nous est ordonné, c'est qu'on retienne nos membres de ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. وَأَنْ نَحْفَضَ فُرُوجَنَا. Et que nous préservions nos sexes. وَالْأَصْلُ فِي الْفُرُوجِ الْحِفْضِ. Regardez cette qaïda ici. La base, l'asl, c'est, en ce qui concerne les sexes, les parties privées, c'est le hifd, c'est la préservation. Sauf, ça ne nous rappelle pas un verset du Coran pour hafal al-Qur'an. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Surat al-Mu'minoun. Et après, الَّذِينَ هُمْ Les فُرُوجِ مُحَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Il n'y a pas de mal dans la religion, on en profite pour dire ça, parce que peut-être des gens qui le font et que c'est haram. Les ulama utilisent cette dalila du Coran pour dire que la masturbation est haram. Parce qu'Allah l'a dit, c'est interdit là-bas, c'est la préservation, sauf les épouses et les esclaves. Voilà, c'est clair. Chéril dit, et la base dans les parties privées, c'est la préservation. La traduction de la parole d'Allah, il dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. C'est comme ça que ça commence là, la sourate al-Mu'minun. Certes, on réussit, on atteint la félicité, les croyants. Et puis Allah Azza wa Jalla décrit les croyants. Et parmi leurs caractéristiques, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et ceux qui préservent leur sexe, leur partie privée, sauf إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ, leurs épouses, ou ceux qu'ils détiennent comme esclaves. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Alors là, ils ne seront pas reprochés. Il ne sera pas reproché cela. Et ceux qui transgressent les limites, et ceux qui passent les limites, qui passent ces limites-là, ce sont eux certes les transgresseurs. Chérie, وكذلك أن تحبس بطنك عن الحرام, عن أكل الحرام. Également que tu emprisonnes ton ventre de manger le haram, l'illicite. لا تدخل في بطنك إلا ما أحل الله ولا تدخل بطنك ما حرم الله ولا ما كان مشتبها. Chérie, il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit le chérie. Il dit que tu empêches de faire rentrer dans ton ventre ce que tu empêches de faire rentrer dans ton ventre qui est interdit. Que tu ne fasses rentrer dans ton ventre que ce qui est autorisé. Et que tu ne fasses pas rentrer dans ton ventre ce qui est interdit, ni même ce qui est douteux. Anta majnoun ya akhi, car tu es emprisonné, mon frère, ma soeur. والسجين يلتزم نظام السجن الشرعي. Et celui qui est en prison, le prisonnier, il respecte les règles de la prison, de la législation islamique. ألا ترى لو كنت مسجونا في سجن من سجون الدنيا وكسرت القيد ما سيحدث لك. Et maintenant, si tu es emprisonné, si tu étais emprisonné dans une des prisons de ce bas monde et que tu cassais tes liens, ta chaîne, et que tu t'enfouillais, qu'est-ce qu'il va t'arriver? Et dit le cheikh, سيصدر في حقك قرار أن يقبض عليك وربما أن يؤتى بك حيا أو ميتا. Quoi? Une loi, quelque chose qui va sortir, un qarar, une décision te concernant, un appel qu'il faut te rattraper. Et peut-être que même que ce soit mort ou vif. فكيف بمن يخالف سجن رب العالمين. Qu'en est-il de celui qui transgresse la prison, les règles de la prison d'Allah, le Seigneur de l'univers? As-sijn al-ma'nawi, la prison immatérielle. Wa yaksir al-quyud al-shar'iyya, et il casse les chaînes de la législation islamique. Takun al-'uqubatu min Allah ashad. La punition d'Allah sera alors certes plus grande. Fa yawma idin la yu'adhibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ce jour-là, nul ne punira, ne saura punir, comme il punit. Et nul ne saura garrotter comme il garrotte. C'est une traduction du sens, du verset. هذه القيود التي قيدت بها في الدنيا تؤدي بك إلى سعادة لا نهاية لها. الله أكبر. Parce que ces chaînes Hein? Il y a des gens qui n'aiment pas être dans les chaînes. Mais ces chaînes, elles t'amènent à quoi? Ces chaînes par lesquelles tu es emprisonné, par lesquelles tu t'es emprisonné toi-même dans cette dunya, dans ce bas monde, elles t'amènent à une... à un bonheur sans limite. Parce que cette dunya, elle est éphémère. Ça, les gens oublient. Hein? Si vous pensez un petit peu, chaque fois que tu vas faire un pensée, un péché, pense à Al-Jannah et tu vas voir si tu vas le faire. Ah, mais il faut connaître Al-Jannah. Ah oui, il faut étudier. Hein? Qu'est-ce que... hein? Des fois, posez-vous la question, mettez-vous devant un miroir, hein, pour pas qu'on gêne les gens. Mettez-vous un miroir et dites, voilà, qu'est-ce que tu connais d'Al-Jannah? Qu'est-ce que je connais à propos d'Al-Jannah? Qu'est-ce que je connais par rapport aux hommes d'Al-Jannah, hein? Qui auront l'âge de 33 ans, qui auront les cheveux bouclés, qui n'auront pas de barbe. Hein? C'est rapporté dans Yannouni Adib al-Qayyim, rahimahullah, sur la description des gens d'Al-Jannah. Hein? Il y a des chapitres entiers sur la description des gens d'Al-Jannah, et les femmes d'Al-Jannah, et les hommes d'Al-Jannah, et comment Al-Jannah, etc. Si on étudie ça, vous croyez qu'on va encore faire un péché? Peut-être on va faire des erreurs, mais tu ne vas pas vite revenir. Et tu ne vas pas essayer de t'empêcher à chaque fois de faire un péché. Si tu sais cela, hein, et de deux, si tu gardes ça devant les yeux, tu vas relativiser. Hmm? Tu vois une femme dans la rue, tu penses à Hurlain. Tu vas encore la regarder en rue? Hein? Hein? Ou tu vas voir un sourire, tu vois. Hein? Tu vas détourner le regard. Hein? Parce que tu penses à la Hurlain. Les gens croient que tu es fou, mais ceux qui sont fous. Hein? Là, tu souris parce que tu sais ce qui t'attend, bi'idnillahi ta'ala. Qu'Allah fasse partie de l'Ahl Firdaus l'A'la. Cheikh il dit, Hafidahullah ta'ala, car tu vas accéder à un bonheur sans limite. Fa'anta l'an masjounun sijnan ma'nawin wa hissiya, car maintenant tu es emprisonné d'une prison matérielle et immatérielle. Wa sijnun hissi. Non, les frères vont dire, mais c'est quoi la prison matérielle en vrai? On a compris l'immatériel, mais c'est quoi la matérielle? La réponse, elle arrive. Hein? Soyez patients. Eh bien, c'est quoi? C'est que al-hissi, al-sijn al-hissi, annaka la tastati'u an tadkhul al-jannata hatta ya'dana laka Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu ne pourras, la prison matérielle, c'est que tu ne peux entrer dans le paradis tant que Allah ne te donne pas la permission. C'est ça ta prison matérielle. Et maintenant qu'on relativise comme ça, je suis en prison. J'attends juste quoi? La libération. Hein? Et je m'occupe de mieux que je peux dans la prison pour justement accéder à ce bonheur, après la libération, à ce bonheur d'Al-Jannah. Eh bien, les choses, elles changent. Ça, oulala. Ad-dunya sijnul mu'min, le bas monde, c'est la prison du croyant. Wa nahnu idha qabalna ad-dunya bil jannah najidu an la muqarana. Si on compare, c'est une comparaison qui peut être faite. Il n'y a pas de comparaison possible. C'est une comparaison qui peut être faite entre ce bas monde et le jannah. Hein? Il n'y a pas de comparaison possible. Et c'est ça qui fait la différence entre le croyant et le kafir. Hein? Toutes ces choses-là, nous, ça ne nous intéresse pas. Hein? Pourquoi? Jannah. Ah, lui, là, il veut tout ce qu'il peut faire, il le fait. Hein? On vit qu'une fois. Hein? C'est ce que tu crois? Wal-insanu min tabi'atihi an ta'tarihi al-humum wal-ahzan wal-alam wal-masa'ib wal-amrad wal-awja' wal-jou'. Umurun kathira. وربما لا يمر يوم إلا والآلام المعنوية والحسية تدخل فيه. Car il fait partie de la nature de l'être humain qu'il soit touché par le humum, les soucis, et par la tristesse, et par les douleurs, et par les calamités, et par les maladies, et par les douleurs, les peines, et par la faim. Des fois, des frères pour un rien déprime. Hein? Une chose au dunya qui ne va pas, le château de cartes s'effondre. Ou le château de sable, pour ne pas faire référence aux cartes. Hein? D'accord? Et après, c'est dunya, ça, c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Eh bien, Omar Katiran, plein de choses. Peut-être qu'il ne passera pas un jour sans que tu sois touché par les douleurs matérielles et immatérielles. Parce que des frères sont touchés par des douleurs immatérielles. Ce n'est pas quelque chose qui te fait mal. C'est une douleur immatérielle, ils ne le savent pas. Hmm? Et je vous le dis, c'est un appel de ma part. Et je vous assure que je reçois beaucoup de téléphones et de textes, de messages. Il y a un gros problème psychologique chez beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup de problèmes de dépression nerveuse. Des fois, ils le savent et des fois, ils ne le savent pas. Hein? C'est quoi ce sabab? Cheikh Saadi, rahimahullah, il n'a pas un livre qui s'appelle Al-Wasa'il Mufid, Al-Li Hayat Al-Sa'ida. Hein? Les moyens, comme on appelle ça, moyens bénéfiques, c'est ça? Hein? Pour arriver hein, à la vie heureuse. Lisez le livre, il est traduit en français. Hmm? Il n'y a pas de bonheur, sauf il a le sunna. Et toute la sunna. Et je vous assure, c'est de plus en plus. Que ce soit chez les anglophones ou les francophones. De plus en plus. Que ce soit en Angleterre ou ailleurs en Europe. Hein, que ce soit des emails, les cadas, des choses. Hein, les machins qu'ils congèlent. Allahu bien alim. Il n'y a qu'Allah qui sait ces problèmes-là, subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est pas normal, ya ikhwa. Ya akhawat. Sunna, salafia, subhanallah. Qilat al-taqwa, wa qilat al-dhikr, wa qilat. Hein? Manque de dhikr, manque de ilm, manque de. Hein? D'études dans l'aqida, manque de taqwa. Comment tu peux te salafier déprimé? Hmm? Il y a une question qui a été posée à Cheikh Al-Fawzan. Une femme qui dit, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, Cheikh, je ne me sens pas bien, je suis déprimé, je sens, hein, c'est le sens de la parole. Et ma poitrine, elle est compressée, etc. etc. Je ne me sens pas bien. Et pourtant, je fais toutes mes obligations. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan a dit, moi, ce que je sais, c'est que celui qui est comme ça, c'est parce qu'il a fait un péché. Hmm? Regardez, la femme, elle croit, mais ce qu'il a qu'elle fait, ses obligations. Hein? Elle croit qu'Anis, elle est OK. Mais elle ne sait pas que quoi, que Cheikh Al-Fawzan, ce qu'il est en train de lui montrer, que ce qu'il a touché, c'est parce qu'elle, elle a fait. Hmm? Donc on continue ici, il dit, le Cheikh, Hafidahullah, eh bien, il n'y a pas un jour sans que ces douleurs matérielles et immatérielles ne soient là. Amma al-jannatu man dakhalaha li'atarihi shay'un min dhalika. Allahumma arzuqna al-jannah. Allahumma arzuqna al-firdaws al-a'la. Allahumma arzuqna al-firdaws al-a'la. Allahumma arzuqna al-firdaws al-a'la. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit tandis que le paradis, le jannah. Hein, vous savez pourquoi on appelle jannah jannah? Parce que le jim ou le nun en langue arabe, ça indique tout ce qui est invisible. C'est pour ça qu'on appelle un jinn un jinn. Jenna, Jenna. Hein? D'accord? El Jenna, man dakhalaha, la ya'tarihi shay'un min dalik. Ce qui est, hein, au paradis, eh bien, tu seras touché par aucune chose de ces choses-là. Aucun douleur, aucun souci. Hein? Patiente. La vie, elle passe. Chut. Et après, c'est quoi? El Jenna, incha'Allah. Cheikh, il dit, walida hada l'insan, al mu'min, hatta law basata Allahu alayhi rizq. في الدنيا ووسع عليه الرزق فإنه يعتبر مسجونا مقابل نعيم الجنة car quoi qu'Allah t'ait donné comme risque. Ah, des fois les frères mashallah ils font tijara, ils ont beaucoup d'argent etc. On a vu même certains frères qui ont été égarés à cause de cela, wal'iyadu billah, hein? Et après ils font des courses, des compétitions à celui qui, hein, il va en tel pays, moi je gaspille 10 000 euros par jour, toi tu gaspilles 15 000 euros par jour, hein, etc. Alors qu'au début, c'était Niyal Hijra, en fait, Tijara, etc. D'accord? Et puis, ils ont changé. Hein? Eh bien, quoi? Il dit, Cheikh, même si Allah Azza wa Jal t'a donné beaucoup de risques, il a élargi ton risque, eh bien, le mu'min, il est considéré comme toujours en prison par rapport à l'Jannah. Yaqulu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme عند l'imam Ahmed. Regardez ce superbe hadith. Il est sahih. Il est dans le silsila hadith sahiha. Hmm? Je ne me souviens plus du numéro. Allah alim 3222, vérifié, inshallah. Wa al-Tirmidhi wa ibn Abi al-Dunya min hadith Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Lo anna ma yuqillu dhufrun mimma fil jannati bada la tazakhrafat lahu khawafiqu as-samawati wal-ard. Ya'ni, lo anna Allah amara bi qit'atin min al-jannah صغيرة من الجنة يحملها ظفرك بدا على أهل الدنيا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض، يعني تتزين بجماله السماء والأرض. إذن لا تقارب، إذن أنت مجون، أنت مجون، أنت مجون، فكن أديبا في السجن حتى يأذن الله لك بالخروج. Il y a des superbes hadiths rapportés par l'imam Ahmed, rahimahullah, ou l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, et Ibn Abi Dunya, rahimahullah, d'après un hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qui a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si, c'est le sens du hadith, on va traduire le sens du hadith, comme l'a dit le cheikh, il l'a expliqué, on va traduire l'explication. Il dit, si Allah donnait l'ordre qu'une petite portion de l'Jannah, de quoi juste être supporté par un, porté par ton ongle. Une petite portion, juste. De la taille de quoi de ton ongle, de l'Jannah, apparaissait aux gens du bas monde, eh bien cela enverrait la terre et les cieux. Al-Jannah, ya ikhwa, al-Jannah. Cheikh, il dit, tu es emprisonné. Tu es emprisonné. Tu es emprisonné. Sois correct dans ta prison. Kun adiban. Aie un bon comportement dans ta prison. Jusqu'à ce que Allah te permette d'en sortir. Fanahnu sujana, ya ikhwat al-iman. In kunna min ahl al-jannah. Nous sommes, ô frère en Allah, ô sœur en Allah, nous sommes emprisonnés si nous faisons partie des gens du paradis. Ad-dunya jannatun bimuqabali jahannama. Wa man dakhala al-jannah, fad-dunya sijnun bimuqabali al-jannah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala. Je répète, excusez-moi. وَمَنْ سَكَنَ النَّرْ عَدًا بِاللَّهِ فَالدُّنْيَا جَنَّةٌ لَّهِ. Et celui qui réside en enfer, eh bien pour lui le bas monde est une jannah. وَالْعَدُوا بِاللَّهِ. Qu'Allah nous en préserve. Ce bas monde est un paradis en opposition à l'enfer. Et celui qui rentre au paradis, eh bien ce bas monde est une prison. Par rapport à la jannah, par rapport au paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala an yahfada jawarihana illa fi khair wa an yujannibana kulla dair wa an yujannibana alfitan ma zahara minha wa ma batan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Il dit, Cheikh, il termine par une dua, il demande qu'Allah préserve nos membres de toutes choses haram et qu'il nous préserve les membres de nos corps de toutes choses sauf de ce qui est un bien. Et de nous écarter de tout mal. Et de nous écarter de tout trouble. De tout trouble qui soit apparent ou caché. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilik.